J'en ai, j'suis pas encore du lourd lourd du taf, mais vie j'en ai. Y'a trop de novices qui se font encore pigeonner. C'est l'étranger, elle est fait les chiffonner. J'suis là, et du système j'en ai rien à foutre. On en a rien à foutre. Excellent, exercice pour exceller. Ex-esclave, ancêtre exploité. Exporté, pensé de vouloir nous expulser. Exprimer ma rage, donc j'ai explosé. Un exposé, ça suffit pas d'expliquer. Car c'est bien chez nous, vous êtes venus explorer. Arrêtez, on peut pas accepter. On veut notre liberté, on vous a pas invité. Organisez, vous êtes venus chez nous pour nous briser. Kidnapper des familles entières uniquement pour les mépriser. Triste système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On recherche le din mais on se plante dans l'illicite. Système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche l'illicite mais on se trouve dans le déficit. Depuis tout petit, je crois que le bonheur me rejette. J'ai déjà dit que je voulais une femme, pas une Hansel. J'voudrais que ma vie soit qu'un rêve et que je me réveille dans la soie. Plus de haine, plus de peine, juste le sourire de ma mère à mon âge. Déjà beaucoup trop de blessures, de fractures. Si je pouvais, j'effacerais toutes les factures. J't'assure, la vie, c'est devenu beaucoup trop dur. C'est quand on trahit, c'est que tes potos sont des ordures. Fils d'immigrés du Maghreb et des bidonvilles. J'suis qu'un arabe comme y'en a dans toutes ces villes. Catalogué, pourtant j't'assure que j'ai rien fait pour. Amateur du marché des bosquets et des clients courts. Nos darons sont même pas pris au sérieux tout ça. À part ce qui marche dans la rue avec Chachia. Envie de te dire, va te faire foutre, mais qu'est-ce qu'il y a? Luxem et l'étranger, on mate, c'est la guerre, il y a. Système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche le din, mais on se plante dans l'illicite. Système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche l'illicite, mais on se trouve dans le déficit. On aiguise les lames, méprise l'état et les quises des survies. Dans ce pitch, c'est un où le vice sévit et où le biserait. Là, on a que le Glock pour se la mise. C'est la crise car on est tous pris entre les stupes et les perquis. Dans nos blocs, y'a trop d'injustice. Donc t'étonnes pas si sur leur système j'pisse. Le blême c'est qu'on a trop souffert fils. Et ça date pas d'hier. Fier pour répondre à ça, j'ai que mon Weston Smith. Un rap sale, on vient pondre pour nos plaids et nos familles qui se morfondent. 2006, faut pas confondre, ça vient du fond, ça vient du front. Frère, rien à foutre de l'affront, on donne ça fond pour nos pères et mères sans fond. Triste système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche le din mais on se plante dans l'illicite. Système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche l'illicite mais on se trouve dans l'illicite. Ça est trop dangereux, trop d'argent, trop de gêne. Trop de stress à gêne, trop de maître et les bécanes. Les guns pour des joujoux que ça part. Jour et nuit, ça emmerde les juges, les keufs et l'état. Je vais représenter le secteur, ceux qui font la queue pour un taf. Les taudis pleins de cafards, les familles endettées, les soldats. Qui va la dure, se plaint pas. Même à 10 partage un bout de pain, y'a pas de pain sauf au poignet. Mon secteur c'est des bâtiments, où règne la piste et les délinquants. Mon fermé les bosquets. Mon secteur c'est des bâtiments, où règne la piste et les délinquants. Triste système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche le din mais on se plante dans l'illicite. Système, le mal nous entraîne. Comme la haine nous anime et les rôles nous emmènent. Dans les ambiances sales, qu'on a loup cheat. On cherche l'illicite mais on se trouve dans l'illicite. Elle est ma section, mon quartier, trop de tension pour tarder. L'état c'est d'abord que je trouve dans les coins des billes. Les cuisses écartées, escortées par la vague du nuque et mon bable et képi. Je viens les planter mais ça peut leur coûter très cher une fois reparti. Dans ce peu de mon rôle, pourquoi sans douter mon rôle. Le manque de rôle nous baisse, bien sûr que je te baisse même si je suis hétéro. J'ai atterri au Resco avec des profondeurs tout court. Voilà c'est que Baro te baisse pendant que Willow fait son geste. Qui pour vouloir juger secteur qui. Pour vouloir me faire peur kill d'inspecteur. Hey mec, préviens nous pour tâche les coups bien à ouais. C'est petit car se sert d'être. Triste système, fuck le système. Triste système, fuck le système. Triste système, fuck le système. Sur la